Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Panorama C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. C'est ta deuxième émission des Panorama et déjà, là, on te laisse l'opportunité de dire la phrase tant convoitée. Là. Déjà, c'est tellement... Écoute, j'étais toute excitée. Puis pour moi, c'est un privilège. Ça a l'air vrai. Pour de vrai, j'étais vraiment contente. Bon, tant mieux, mais en tout cas, merci d'être là comme toujours. Mais ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui à l'émission, on va savoir d'ici la fin de l'émission si les numéros 1 sont toujours du côté anglophone, Metric avec Youth Without Youth. Ou du côté francophone, les Breastfeeders avec Ce n'est pas un jour comme les autres. Mm-hmm. On va aussi avoir nos instants classiques pour la semaine du 10 septembre 2012. On va voir les tartines de Justine Renaud qui nous parle de Peter Gabriel cette semaine. Quand même. On va faire le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès et on va aussi entendre quelques nouvelles entrées. J'en compte 9. C'est beaucoup, ça. Pour une deuxième semaine, on est en train de refaire le palmarès au complet. Là. Ben, c'est correct. On aime ça, la nouveauté. Tant mieux, tant mieux. Donc, on va avoir plus tard dans l'émission Noem, Dali Placard, Trio, Mother Mother, Grimmskong, Hot Panda, The Neighborhood et Will Driving West. Mais on va débuter en 20e franco. En 20e franco avec Dumas et l'heure et l'endroit. Oh, et ça, c'est sur son nouvel album qui s'appelle Par le fait même aussi, tant qu'à y être. Comment tu penses, mettons? L'heure et l'endroit. Wow, bravo. Oh, j'avais un feeling. T'es naturel, là, tu l'as. Ah, c'est comme ça. C'est rempli de tout ça. Là. De tout ça. Lave-la. Lave-la. L'heure et l'endroit, dis-moi. Au palmarès, c'est fou. Dis-moi ce qu'il faut dire. Dis-moi l'amour à nu. Dis-moi le temps perdu. Dis-moi, doit-on en rire? Dis-moi le passé et l'avenir. Dis-moi quand l'heure a sonné et qu'il ne reste qu'à fuir. Doit-on payer son dû?

Oh, qu'on aime Mother Mother, toi et moi. On les aime beaucoup. Wow, Mother Mother et Businessman, nouvelle entrée en 19e place sur l'album The Styx. Et en fait, juste avant, c'était Greenwashing avec Trio, la nouvelle entrée en francophone. C'est différent comme pièce de Trio, il me semble. C'est très différent, en fait. D'entre de ce que j'ai entendu sur les palmarès de C'est Fou. Mais c'est un rafraîchissement. Oui. C'est quand même... c'est un peu comme, justement... là, on va sauter. Juste avant, on avait écouté Green Scum set Fire to the Nation en 20e place anglo. Mais on a commencé avec la nouvelle de Dumas, L'heure et l'endroit au numéro 20. Et ça m'a bien surpris, la nouvelle oui. de Dumas. Parlant de rafraîchissement, là, de la façon de faire de la musique là, pour Dumas, il me semble que celle-là était très, très différente, très entraînante. Oui, moi, j'ai vraiment aimé. Oui. Donc, ces derniers albums, j'ai les appréciais, mais... J'avais de la misère à rester accroché à l'album. Ça, là, ça m'accroche. Oh, cool. Donc, ça, c'était 4 nouvelles entrées. Il nous en reste encore 5 à entendre. On va y aller avec les 18e places tout de suite. Du côté anglophone, il y aura Hot Panda avec Language. Mais du côté francophone, ce sera Danny Placard avec Graisse de Bine. C'est ça. Graisse de Bine. Graisse de Bine. Dormez pas, là, réveillez-vous. On vient de vous jouer de la musique là, qui fesse dans le dash. OK. Tac, tac, taloche. T'sais. Allez, allez. Du café, pas moyen de rester réveillé. J'ai les deux yeux dans graisse de bine, y'a un paquet de vieilles angoisses qui me spin dans ta tête. Vers 3h15, j'entends le même vieux cadran sonner. J'ai pas trop le goût de faire le party, mais une chose est sûre, je pense fort à toi. Pas moyen de rester réveillé. Pas moyen de rester réveillé. Me forcerais pour te regarder. nouvelle entrée. Encore une fois, cette semaine, nos nouvelles entrées sont vraiment bonnes. Oui, franchement, là, je suis agréablement surprise. Tu sais, on dit pas ça comme en fait. Non, non, moi, j'aime vraiment ça. Mm-hmm. On va entendre Hot Panda et Language en position numéro 18, anglophone. Et francophone, c'était Danny Placard avec Graisse de Bine, toujours numéro 18, mais francophone. Mm-hmm. Il nous en reste trois des pièces encore, donc on va se rendre vraiment jusqu'à... Trois nouvelles entrées. Un bon 45 minutes d'émission. Donc, on va avoir plus tard Will Driving West et The Neighborhood, mais on va débuter en 17e franco. 17e franco avec Noem et Mon Espace. Mon espace. Toi, mon espace de. Mon espace de. Hein? Je sais pas qui j'imitais. Là. Je sais pas moi non plus. Sur ma personne. Toi, dans 40 ans. Moi, dans 40 ans. 60. OK. Mettons, pas dedans, là. Pas dedans, comme ça. Puis avec une manque d'embauche, mettons, au pire moment, tu sais, genre... Ben, mais tout le monde sait que les vieilles personnes ont... Ben, les personnes en âge avancé aiment beaucoup les paparmanes. Les paparmanes! Les paparmanes! Fait que là, tu simules tellement bien que c'est comme si t'avais une paparmane. Wow! Là, on comprend tout. Et voilà! Mais j'ai pas vraiment de paparmanes, OK. Ben, c'est ça. Là, je comprends. Ce matin,

pain inside your head is killing me. This pain inside your head is killing me. I won't be the one to say that time heals everything. Well, I know it's true. Times before, still I never know the words that say. Now who made that hole in your chest? We're driving west. Avec Painkillers en position numéro 16 anglophone. Et encore en 17e position anglophone, on retrouve The Neighborhood avec Female Robbery. Je suis pas tout seul avec les R. Non. Je suis pas facile. On a débuté avec Noem et Mon Espace, nouvelle entrée en 17e franco. Et on a sauté par-dessus là-dedans Hôtel Morphée, qui est en 16e place franco. La pièce s'appelle Garde à vous et ça descend de 5 places plus tard. Hein? Oui. T'allais te dire? Quoi? En fait, j'allais donner des informations à Nadine, ben oui, aux auditeurs sur les groupes. Je suis vraiment excitée par les nouvelles entrées. Je les adore. Et en fait, The Neighborhood a été coté, en fait, les 20 nouveaux bands qu'il faut regarder cette année par le site Complex Music. Oh. Et d'ailleurs, ben, si vous avez aimé ça, ils ont sorti leur EP. Ça a l'air, en tout cas, moi, ça m'a vraiment accroché. J'ai adoré. C'est un groupe californien. Et si la dernière pièce de Wheel Driving West, vous a intéressé, eh bien, sachez qu'il fait partie de la trame sonore du film Camion qui est sorti récemment. Là. Il y a eu des super bonnes critiques sur ce film-là de Raphaël Ouellette. Donc, c'était mes informations. Nadine, sur les groupes qu'on vient d'entendre. Ben, merci, Alexandra, parce que c'est ce qui manque dans cette émission-là. Ça fait plaisir. Parce que sinon, j'ai absolument rien d'intéressant. C'est que du fla-fla et du parlons pour rien dire. Et là, tu m'amènes des vraies informations, puis tu appelles ça Anadine. Fait que voyons donc. C'est Anadine. Et d'ailleurs, Anadine, le premier groupe qu'on a entendu, Noem, au numéro 17, vient de Sherbrooke. Elle a des faits là, qui j'en sortent par... J'en ai des faits. parlant de choses insignifiantes, ça, je parle de moi ici, dans ce cas-ci. Ah, okay. Voyons. Moi et François-Olivier Marchand, je pense qu'on est tous les deux plus insignifiants l'un que l'autre. Là. Hein? Vous êtes des insignifiants attachants. Hey, t'es tellement fine. Mais non. Je suis réaliste. OK. Vous êtes attachant. Donc, voici nos meilleurs moments de la semaine qui vient de se terminer. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 septembre 2012. Par la fin, on reçoit Mme Carignan. Oui, Alexandra Carignan, de son prénom. En fait, pas Alexandra Carignan. Je sais que ce serait un beau prénom de nos jours. Alexandra Carignan, ouais. Quelque chose d'autre. Alors, c'est lui marchand, F-O-M, Foam Mousse. Oh, plante. Oh, nouveau surnom. T'aimes ça? Guns, Sex, Glory par Rocco Code à assemblage requis. Toutes des belles valeurs. Je trouve ça bon. Oui, tout à fait. Ça résume... La vie de Mathieu Plante. La vie dans mon quartier, là, la rue. Tu sais. Ton là, hood. Mon hood, le ghetto. Bon. Tu sais, voilà. Quand on vient de la même place. À peu près ça. Lundi 10 septembre, my name is what? My name is Matt Plante. Oh! Et moi, François Olivier. Yeah. Pour l'instant, on va terminer l'émission presque... Ouais! Les gens sont contents. David Ferron nous présente l'humoriste Eddie King. On est très kinky. Eddie Kinky. Kinky. Dans C'est un fait. Assemblage qui commence maintenant. Et commentaire de Mathieu Ardon, parce qu'effectivement, quand tu regardes une photo du band, ils n'ont pas vraiment l'air de musiciens. Et Mathieu, il dit qu'ils ont l'air d'employés chez Google. C'est un peu vrai, en fait. Ben, ils ont l'air de s'asseoir sur des ballons toute la journée. T'sais. Oui. S'asseoir sur des ballons. Non, Mathieu. Quel préjugé. Dans des bureaux comme ça, tu t'assois sur des ballons. C'est pas... On devrait mettre ça en studio. Ben, j'avoue. Ça ferait de la bonne radio. Encore, nanim. Oh. Ouais. Partons son intro, puis parle-lui en lisant. Il va nous en parler. C'est ça. Il n'y a pas de chat. Non. Je pense que ça va être... Ça serait drôle. Je vous réserve en fait une nouvelle... Dans ton oreille. Oh. Oh. Oh, wow. Oh, wow! Attends, il faut que je recule. Mon Dieu. La langue dans ton oreille. Mon Dieu. Incroyable. Wow. Une des meilleures intros ici. À Saint-Lagerie. Oui, ça vient du groupe français Eiffel, mais pas comme Eiffel 65. Eiffel. Ça, c'était Blue Abri Babibou Babibou. Exactement. Non, je suis pas capable de la chanter, la chanson. Blue Badadi. Ok. Ça s'améliore un petit peu, mais. Moins. Comment? Eh bien. Moyen. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, le temps est long, je trouve. Nous autres aussi, on est un duo. Comment est-ce qu'on s'appelle? Je sais pas. Plante et marchand. Les deux chatons du matin. Planchant, ouais. Okay. Les deux chatons du matin. C'est fort. C'est vendeur. Ouais, pas en marketing, pas rien, ce gars. Mathieu est un adepte fini des shows. Et puis, j'ai cru entendre ça en arrivant ici. Quoique, tu sais, les besoins des chevaux, une fois gelés, doivent moins sentir mauvais. Ça, c'est vrai. Puis ça servait d'ailleurs pour jouer au hockey dans le temps. Vrai! Et le hockey, ça rejoint tout le monde. Donc, assemblage requis maintenant, qui a parlé de hockey, rejoint tout le monde. Fais tous ton 36, Matt, puis va danser. Est-ce que j'ai ça, moi, un 36, ça? Non. En fait, mon tour de terre, ça revient pas pire. Moi, tu vois, je ne fais que des reaction shots aujourd'hui. Et sachez qu'on se touche pas. Non, c'est ça. Non. Et ce sont un petit peu les mêmes expressions qu'on fait. Bon, là, on parlera pas de se toucher ici, là. Hein? Ouais. François, tu l'as déjà fait, mais moi, j'arrête là. Mais qu'est-ce que j'ai déjà fait? Me toucher ici? Groupe nommé les Hand Claps, fait que tous ensemble, on tape des mains pendant le début de la chanson. Ça va pas avec la chanson, mais. C'est fort, là-bas. C'est jamais ma faute. J'ai la maladie de la stachose, comme dire l'autre. La stachose? La stachose. C'est à cause de quelqu'un d'autre. Ah. Oh, c'est drôle? Pas vraiment. Justine liche son micro. Oui, ben oui, comme d'habitude. Il me semble que c'est dans mes habitudes. C'est plat de ne pas avoir de meilleurs moments des palmarès, c'est fou. Hein? Ah ben là, je suis désolée, mais moi j'étais absolument ravie de ceux-ci. Fait que je suis comblée. Fait que même s'il n'y en a pas des palmarès, c'est pas grave. Pas grave, ça. De toute façon, François-Olivier Marchand, il faut bien lui donner une petite plante. Oui, mais c'est ça. Oui, oui. Donc, écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. François-Olivier Marchand, c'est l'autre gars. L'autre. Le doux. Puis moi, c'est l'autre doux. Le premier double. Tu dis l'autre comme le premier. Eh, hey, tabarouette, tu m'as perdu, là. Oui, ouais. Donc, lundi au jeudi, entre 7h et 9h, je me suis pas moi-même, hein? Mais, non. Mais ben, je me suis sur Facebook et sur Twitter. Ben, en fait, tu te suis, mais live. Je me suis live. Tu te suis live, quand même. T'avances un petit peu trop loin. Non, je me suis pas vraiment live non plus. En fait, je me perds souvent dans mes idées. Tu sais? Ouais. Toi, t'es en diffusé. Attends, comment qu'on appelle ça, là? Web diffusion? Web émission? Non. En différé, toi. En différé dans ma tête. T'es en différé dans ta tête. J'ai un buffer à la Real Player. Exactement. Low-fi. Ouais. Donc, tout à l'heure, vous l'avez entendu, Justine Renaud va faire sa chronique Les tartines de Justine. Ah, ça va être génial! Ça va être super bon. Mais pour l'instant, les positions numéro 14 du côté anglo, Foxy Shazam et Last Chance at Love. Et du côté franco, c'est le groupe Radio Radio avec Tout passe sous le firmament. Oh wow, j'aime ça, Radio Radio. Tes passes, là. Pas en différé, live. Live. Là. Traverser l'univers, en vivre dans une carte. Je vivre en mystère, regarde-moi. Comme tes yeux, ouvre tes oreilles, mais je sais pas vous dire fort. Croire, savoir, arbre-temps d'avoir la jusqu'il peut voir. Point moi, non, je suis dans ma tank d'eau soleil. À la fin de mon métier, travaille comme ma pêche, je m'appêche pour travailler. Le bartender de palme, faut boire pour le croire. Great and noble scheme, stole the legacy de moi. Mash back and forth sur ma Fortnite deux semaines. C'est grâce à la lune pleine, c'est la late night deux semaines. From time immemorial, souvenir avec de deux semaines. Deux semaines dures, une série, c'est la mienne. Y'a que deux semaines, ha, rec de deux semaines. Ça me lance pas moi, j'casse du pain, ça fait comme deux semaines. Tout passe, sur le firmament. On aurait envie de le vendre, tout sur le firmament. Tout passe, sur le firmament. On aurait envie de le vendre, tout sur le firmament. Tout sur le firmament, tout sur le firmament. On aurait envie de le vendre, tout sur le firmament. Tout passe, sur le firmament. On aurait envie de le vendre, tout sur le firmament. Tout se passe, change of flows, mettre de l'amour, boss. Faut que ça bouge, ben ça brasse, puis ça brasse. Party sur tes orteils, mello comme la beat mass. Rien qui perd plus quand ça casse. Mud mask, fait de vase, facelift, I'm a boss. Headlamp, pis ça jase. On est tout quarantine, guess what, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On peut peut-être tout voir, on peut pas tout avoir. Ça coûte cher, ça c'est clair comme la night and day. Je fly away pour le faire, maman arrive à temps. Y'en aura d'autres pour la côte, faut que tu prennes le remote. Le contrôle sur le out of control, ce bronze road. C'est check ta grosse tête, souhaite des bonnes fêtes. Vraiment, ça c'est bon, on va se voir un jour. C'est plein d'amour pour le deuxième séjour à deux semaines. La lune est pleine, puis se tourner en rond. Le vent est temps, puis se brûler des champs comme crop circle. C'est le Salem, Salem witch hunt. Puis c'est parti comme c'est back in style. Puis c'est parti comme c'est back in style. Numéro 14. Yeah. Ça, c'est rock, hein? Oui, mais j'ai l'impression d'avoir été propulsé à la fin des années 80. C'est drôle. Exactement. Ouais. Moi, j'avais la même impression. Mais c'est bon, dans le bon sens. Mais oui, c'est vraiment bon. On vient d'entendre Foxy Shazam et Last Chance at Love, qui monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Hein? Et là, c'est en 14e place, mettons, si on se comprend. Et au numéro 14, francophone, c'était Radio Radio avec Tout se passe sous le firmament. Mm-hmm. Tout à l'heure, en 13e, on aura Élie Papillon ainsi que Jack White. Mais avant ça, Justine Renaud est là. Et malheureusement, comme t'as pas encore trouvé d'autres choses... C'est pas malheureusement, là, arrête de dénigrer... Tu l'aimes pas, ta chanson. C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça aurait pu être autre chose. Ben, en effet, ça aurait facilement pu être autre chose, mais ce n'est pas le cas. Non, parce que c'est ta première chronique, Les tartines de Justine, de la saison... Oui, je m'en ai dit 2012, mais ça fonctionne pas parce que l'an passé aussi, on était 2012. Moi, je comprends pas là, que les années scolaires commencent. 2012-2013. Oui, c'est ça. 2012-2013. Mais cet été, tu avais fait Les Béton et tu avais une autre intro et là, ça, on veut pas être associé à non, ça, c'est ça? Non, il faut pas m'associer. Non. C'est pas la même fille. Je suis rendue straight, là. OK. Alors, voici les tartines de Justine et Rock On encore, mais ça, c'est comme une autre sorte de rock que Foxy. Rock ça. On. Rock On. Oh. Elle fait de la trompette, de la clarinette. Hey, j'ai vraiment beaucoup trop écouté ça dans mon enfance. C'est bon, je trouve. C'est excellent. Je comprends pas que t'aimes pas ça. Mais c'est jamais aussi bon que Peter Gabriel. Et mais oui, non. Peter Gabriel qui a hanté mon enfance. Ma mère était une grande fan, donc moi, son album Shaking the Tree, son album de compilation de tous ses meilleurs succès, je l'ai dans le corps, je l'ai dans le sang. Sérieusement, c'est comme la drogue. Peter Gabriel. Là. Ouais. Moi, je suis vraiment la seule dans cette situation-là en ce moment. Il n'y a pas d'autres fanatiques dans la salle. Mais tu vas nous mettre peut-être. Ben, mon copain est un féru. Féru. Oui. Il est vraiment féru. Oui, il avait été l'année dernière. Il oh, a manqué Dieu. Un match du Canadien pour aller voir ça. C'était sa version chorale. Hein, avec orchestre. Oui, avec orchestre. Il a-tu aimé ça? Il a adoré, il a pleuré. Oh, il a pleuré. Oh, ouais. C'est cute. Oh, wow, hein? Tu l'as vraiment bien choisi, ton homme. Tu sais, t'avoues ça à la radio, c'est un peu pas honteux non. Pour ton copain, non? Ben non, parce que c'est tellement... Pour lui, c'est un des meilleurs chanteurs. Là. C'est! C'est un fait, ça, là. C'est, mm-hmm. Non, mais comme dans la lettre C. C'est comme... c'est bon. Oui. Wow. Ça vous intéresse tout de savoir c'est qui cet homme-là? Ben moi, ça m'intéresse. Ouais, okay, parce qu'il y a vraiment là, une méchante biographie... derrière la cravate, là. Ça se tue pas en tout, mais c'est pas grave. Peter Gabriel est en fait né Peter Brian Gabriel le 13 février 1950, ce qui fait de lui un homme de, si je calcule bien, 62 ans. Hmm. 62 ans. Pas payé le vieux pour faire encore des tournées à son âge, hein? Il est né en Angleterre. Sa mère était Edith Irene Allen, ou en français, Edith Irene Allen, qui, elle, appartenait à une famille de musiciennes. Donc, celle-ci lui a appris à jouer du hautbois à un âge relativement précoce. Alors, on peut bien imaginer le petit Peter Gabriel de 4-5 ans avec un hautbois. Ben, je l'imagine, ouais. Je trouve ça très drôle. Ouais, c'est ça. Pensez pas trop croche avec ça, un hautbois, là. Hein? S'il vous plaît. C'est vraiment niaiseux. Oh. C'est pas pertinent. Elle était facile. Hein? Elle était facile. Je l'ai même pas fait. J'ai dit ne pensez pas à ça. Ne pensez pas. C'est hein? Correct, non? Mentionne juste pas. Morningwood! Hein? Oh! Bon. Hein? À part du hautbois, as-tu joué à autre chose? Ben oui, il a appris à jouer de la batterie. Il est d'ailleurs reconnu pour être un très, très grand batteur. Encore un très jeune âge, là, il entre d'abord à Cable House, qui est une école préparatoire privée, puis au Charterhouse School, qui est une grande école de musique, et ceci à l'âge de 13 ans. Donc déjà, le jeune Peter Gabriel était déjà très, très, très talentueux en musique. Et à l'âge de 17 ans, il fonde Genesis, le grand groupe de rock progressif, alors qu'il était encore à l'école avec ses band members Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford et le batteur Chris Stewart. Or, ceux-ci vont développer un style sous l'influence d'Otis Redding et Cat Stevens, un petit peu un côté un peu soul à la chose. Et c'est seulement en 1970 que Phil Collins se joint à Genesis. Là, ça va venir ajouter une différente, vraiment une différente atmosphère au groupe. Phil Collins qui va commencer à prendre plus de place, qui va s'attribuer le rôle de batteur. Il va aussi faire des vocals. Peter Gabriel se sent un peu menacé dans ce rôle-là. Lui qui a vraiment besoin d'énormément d'espace pour tout son talent créatif. Donc, Genesis va devenir en quelques années un groupe extrêmement connu internationalement, notamment du fait des prestations flamboyantes de Gabriel sur scène qui comportaient de nombreux changements de costumes étranges et des histoires racontées sur scène avant chaque chanson. Ça change pas aujourd'hui. C'est encore le même personnage, tout le temps des costumes vraiment très, très exubérants. Flamboyants. Wow, sérieusement, là, ouais. C'est n'importe quoi. Mais j'adore ça. Moi, j'adore ça. Hein? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des tensions au sein de Genesis et Peter va décider de quitter le groupe en 1975, laissant la place au chanteur principal, de chanteur principal au batteur Phil Collins. Donc, Phil Collins qui va prendre la relève de leader dans le groupe Genesis. Alors, il va lancer sa carrière solo qui va avoir très, très, très, très bien fonctionné. Vraiment, je pense même mieux que Phil Collins. Phil Collins qui n'aura pas vraiment osé aller dedans quelque chose de plus... de plus courageux comme musique, va rester un peu plus mainstream. C'est Tarzan, bon, là. C'est ça? Ben c'est non, bon, là, mais c'est bon, Phil Collins, mais c'est pas mal plus mainstream. Alors, ouais. On va voir que Peter Gabriel va s'être plus illustré. En tout cas, la critique va avoir d'ailleurs mieux apprécié la carrière solo de Peter Gabriel. Donc, son premier succès solo, Salisbury Hill. Si vous vous souvenez des paroles, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous là, qui se souviennent un peu des paroles de Salisbury Hill, ça raconte quasiment comme une histoire de délivrance amérindienne, de genre un appel de l'au-delà, de l'aigle, de la nature. Mais cette chanson-là était en fait un morceau autobiographique qui était relatif à son départ, à son état d'esprit au moment de son départ de Genesis. Donc, j'ai appris ça aujourd'hui. Je trouvais ça cool. Ouais. Je voulais vous le dire. Alors, bien qu'il connût des succès commerciaux et critiques avec des chansons comme Games Without Frontiers et Shock the Monkey. Shock the Monkey! Gabriel atteint une renommée internationale avec les chansons de l'album So, notamment avec le succès du titre Sledgehammer. Et ce titre, d'ailleurs, va marquer l'arrivée de Gabriel dans l'ère du vidéoclip sur MTV. Il va d'ailleurs remporter 9 récompenses en 1987 seulement, là. Seulement pour Sledgehammer, là. Wow. C'est 9 prix pour Sledgehammer. Si vous l'avez déjà vu, faut pas être épileptique pour écouter son vidéo. Là, c'est vraiment assez bizarroïde, mais ça vaut la peine d'être vu. Ça te martèle le cerveau, comme dirait. J'ai trouvé ça super. Ben oui. Hein? C'est bon. Excellent. Ça paraît. Excellent. Donc, statistiques comme ça, il a lancé 9 albums solo, 4 bandes sonores, 4 albums live et 4 compilations. Pas pire, le monsieur de 62 ans. Il va avoir été sélectionné comme... homme de la paix en 2006 par les lauréats du prix Nobel de la paix. Ça veut dire, il n'a pas gagné le prix Nobel de la paix. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ceux qui ont gagné le prix Nobel de la paix ont décerné le prix, le titre d'homme de la paix à Peter Gabriel. Parce que celui-ci s'implique vraiment énormément dans toutes sortes de causes, des causes environnementales, des causes d'éthique et de ethnique par rapport surtout à l'Afrique. Il va vraiment beaucoup être à l'avant dans tous les problèmes avec la pauvreté en Afrique et la famine et tout ça. Intéressamment, moi je trouve là, dans ses derniers albums, il a fait Scratch My Back, un de ses derniers albums qui est sorti en 2010. Et il va y avoir le principe dans le fond de Scratch My Back, c'est qu'il faisait des reprises de chansons de d'autres artistes et ceux-ci avaient comme mandat de faire une reprise de ses chansons à lui. Okay. Alors juste pour nommer une couple d'artistes qui a repris, Paul Simon, Bon Iver, Bon Iver, excusez-moi. On m'a dit là, que c'est Bon Iver pour de vrai. Oui, c'est pas Bon Iver, c'est avec vraiment l'accent, Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Okay. Talking Heads, que j'adore. Arcade Fire aussi, que j'adore. Radiohead, que j'adore. Neil Young, que j'adore. Regina Spector, que j'adore. Alors vraiment, là, c'est un album... ben, en fait, je l'ai écouté, là, c'est vraiment assez downer. Mais c'est pas grave. Si on aime ces artistes-là, on va certainement trouver sa part de bonheur dans l'écoute de Scratch My Back. Mais j'étais pas ici pour vous parler de ça. Là, ça fait un petit bout que je parle, mais je voulais en venir à ceci. Son tour, So, qui s'intitule après son album que... Sa tournée, fac... sa tournée pi. Ah ouais, si on veut. qui, dans le fond, là, qui était intitulé d'après son cinquième album, So. Là, dans le fond, moi, j'y vais. Dimanche le 16 septembre. Alors, je vous dis tout. Bande de. Moi, je vais être là et pas vous. Moi, je vais être là et pas vous. Il fait d'ailleurs une collaboration avec Robert Lepage, le grand Robert Lepage, metteur en scène de toutes sortes d'affaires. Imberbe, entre autres. Il n'y a pas de poils, saviez-vous? Fait intéressant. Fait intéressant. Robert Lepage est chauve et il n'y a pas de sourcils. Et bon. Hein? Fait que c'est une perruque. Comment t'appelles ça, mettons, tu sais, pas de barbe, c'est un imberbe, pas de sourcil, c'est un quoi? C'est un insourcien. Un insourcien. Un insourcien. C'est bon. C'est bon? Non, pas pire. Ouais. C'est bon. Pas pire. Fait que pendant son spectacle, dans le fond, nous réserve probablement, en tout cas, c'est ça qu'il a dit, dans le fond, qu'elle aime faire toutes les chansons de saut dans l'ordre, c'est-à-dire Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, qui featurait Kate Bush dans le temps. That Voice Again, Mercy Street, Big Time, We Do What We're Told, This Is The Picture, puis In Your Eyes, OK? Tout ça pour vous dire que j'espère qu'il va jouer d'autres grands hits, parce que si c'est juste ça, moi, j'en connais genre 4-5 tunes là-dedans. Bon, sur 9, c'est pas super. En tout cas, c'est une bonne. J'ai une bonne moyenne. Non, mais tu sais, mais Sledgehammer, c'est vraiment la très grande. Red Rain est vraiment très bonne aussi. Mais c'est une boisson énergétique, ça aussi, je pense. Red Rain. Red Rain, oh mon Dieu. C'est un hommage. J'espère que ça sera pas sous cette thématique-là qu'ils vont construire le spectacle. C'est la chanson commanditée, je pense, de la soirée. Bref, hein. Fait que c'est ça. Dans le fond, Peter Gabriel, un très grand homme. On va aller immédiatement écouter Sledgehammer, que j'ai bien, bien hâte d'écouter ce dimanche prochain. On vous en donnera des nouvelles. Peter Gabriel, c'est fou, ben oui. Là. You could have a steal. plays with Dotty. Dotty plays with Jane. Jane plays with Willy. Willy is happy again. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. C'est plus du Peter Gabriel, mais... Bon. Hey, c'est dans le même registre, par exemple. C'est pareil, hein? Même chose, même chose. Pas capable partout. Ça va faire le niaisage, là. C'était pas pour rire de Peter Gabriel, c'est juste que je trouvais la mélodie similaire. C'est vrai qu'elle est similaire. Ouais. Mais moi, je vous ai fait entendre Games Without Frontiers de son troisième album, Melt. Avant ça, on écoutait Sledgehammer de son album So, qui va d'ailleurs faire partie de sa tournée, donc de son spectacle que je vais voir dimanche, le 16 septembre, au Colisée Pepsi. Le 18 aussi, deux jours plus tard, il se retrouve au Centre Bell. Tout ça avec la collaboration de Robert Lepage. Ça promet, non? L'insourcil, oui. Hein? Robert Lepage. Ah, mon Dieu. L'insourcil. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Robert Lepage est imberbe. Il n'a pas un poil sur le corps. Fallait avoir suivi la conversation avant les deux chansons. Mais c'est ça, là. Toi, tu sautes du coq à... Tu sautes le coq? Oui, je saute le coq. Venez pas me déranger pendant que je saute le coq. Voilà. Ouais. Alors, j'ai bien hâte à ça. Avez-vous hâte, vous? Avez-vous hâte que moi, j'y aille et que vous me retourniez avec... Hein? Que tu puisses nous en parler. Oui. À l'émission. Ben oui, je vais venir vous en parler dans deux semaines. C'est sûr que ça va être comme... la poussière va être retombée, puis là, on va être en train de passer le balai, mais c'est pas grave. Ouais. Il faut savoir que les tartines de Justine, c'est aux deux semaines, ici, au Palmarès, c'est fou, et tu nous présentes tout le temps ce que t'as aimé pendant la semaine. Ça peut être de la musique, un spectacle, ça peut être... N'importe quoi. n'importe quoi que j'ai aimé pendant la semaine. J'ai aimé beaucoup d'affaires pendant la semaine. Hey, je voulais aussi faire un appel à tous. J'ai perdu mon chat. Oh non. Je voulais, mais oui, il est pas revenu encore. Ficelle, j'ai perdu ma chatte Ficelle. Oh. Elle est grise, à poils longs. Elle a une belle petite couronne de poils blancs là, sur le torse. Et elle a une moustache de lait blanc là, sur la lèvre supérieure. Si jamais vous la voyez... Dans quel coin, genre? Non, écoute, la dernière fois qu'elle s'est enfuie, elle est partie de Sainte-Marthe puis elle est retournée chez eux à Saint-Louis-de-France. Donc, c'est pas sa première fois donc? On l'avait retrouvée, okay. Oui, mais 13 jours plus tard, là, ça fait 3 semaines, donc je commence à m'inquiéter. Hein? Ficelle, si t'es à l'écoute, Ficelle, s'il te plaît, retourne. Hein? Je te souhaite vraiment de la retrouver parce que moi, je sais même pas comment tu fais pour en parler sans pleurer. Ah, ben là, j'ai assez pleuré, ça fait 3 semaines que je pleure. Ma pauvre Justine Renaud. Je suis en deuil. À dans 2 semaines. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Triste, c'est triste. Alors, on va continuer avec le palmarès. Ça te dérange pas trop, ça te va? Ben oui, ça me va. Alexandra, toi, ça te va aussi? Moi, ça me va très bien. Mm-hmm. On va l'entendre. Les positions numéro 13. Du côté anglo, ce sera Jack White et I'm Shakin' qui montent de la 19e place. Et du côté franco, ce sera Ellie et Papillon avec Une chanson pour tout dire. Moi, je l'aime, ton intro, Justine. Pour raconter les folies que fredonnent les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Elles errent dans les coulisses. Et puis y en a qui osent dire sans gêne et à voix haute les passions du printemps sous les draps, tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Quelques-unes aiment me parler, mais celles que je t'écris, j'ai peine à l'achever. Les mots sont égarés, ils traînent dans ma tête, et j'ai pas l'air pour danser. Sur une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Retour Jack White, PS I Love You et Canaille. Dans les palmarès, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Da da da da da da. 13. In my knees and I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm fancying. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over. I'm Shaking de Jack White, c'est la position numéro 13, ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Élie et Papillon avec une chanson pour tout dire. Et ça fait deux semaines que c'est maintenant dans le palmarès francophone. Mais d'où vient cet accent, Alexandra? Je ne le sais pas. Ou cet Alex, ou cet Alexandra. À l'accent. Oh, ouais. J'essaye pas mal trop. Hein. Travaille-le, celle-là. OK, la prochaine intervention, je vais réessayer le même jeu de mots, mais mieux fait. Ça va être drôle. Non, réessaye pas. Ça marche pas, cette technique-là. Tu me balances parce que tu donnes des attentes. Oui, c'est ça. Puis finalement, je ne livre pas la marchandise du tout, du tout, du tout. Donc, on va faire un bloc de 4 pièces tout de suite. Ouais, je sais, mais il faut bien qu'on avance à un moment donné. Donc, on va avoir Parler, Rouge Pompier ainsi que PS I Love You, mais on va débuter en position numéro 12 francophone. Et juste avant, ça va être la position numéro 12 francophone. Canaille, dans mon lit. Canaille est dans ton lit. Hey, ça a été long à sortir. C'est hein? pas de la bestialité, ça. Hein? C'est plein de bestialité. Canaille dans mon lit, numéro 12 francophone. Let's go. C'est ça. Hein? Comment? Non. Tantôt, tu dansais comme ça, avec les, comme un poulet, tantôt, mais c'était comme plus chill le, bird. Le chill poulet. Le chill poulet. Le chillken. Chicken chill. Le chillken. Oh. Je suis meilleur que toi. Winner, winner, winner. Tape la chaîne, un canapé, la corde, ligote-moi dans ta garde-robe. T'attaché tellement serré, sois plus capable de respirer. Électrocute-moi pour le plaisir de voir si je vais rester ou si je vais m'enfuir. Va grimper dans les rideaux. bungee avec tes collants. Tu vas t'envoler comme une fusée, mais ça tient si tu vas y goûter. Numéro 12. C'était P.S. I Love You avec Sentimental Dishes. Ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Canaille avec Dans mon lit, position numéro 12 du palmarès francophone. Hein, c'est sexy time pas mal ça, Dans mon lit. Dans mon lit. Ça me fait penser à la manière que c'est écrit, c'est L-I-T-T-E. Ça me fait beaucoup penser à litière. Ouais. C'est pas très sexy à mon sens. Non, mais donc un lit de chat, tu sais, un lit près de la litière, ouais. Ça donne une belle image, je trouve. C'est... une image odorante. Ouais, ouais. Alors, on avait dit que c'est un bloc de 4 pièces. On s'est dit que c'est long pas mal, 4 pièces aussi longues que ça. Donc, on le coupe en deux en disant, tu sais, comme là, n'importe quoi. Ben, tu l'as bien non. fait, mieux que ben moi. Ben oui, c'est ça. Chance que t'es là. J'ai parlé de litière. C'est ça. Chance t'as fait là. Ta BA de la journée. Eh oui. La litière. En fait, c'était le chat de Justine qui voulait que tu mentionnes sa litière pour qu'il revienne. Exactement. Position numéro 11 du côté anglo, ce sera Parler et Holding On to Something. Et position numéro 11, palmarès francophone, ce sera Rouge Pompier avec un paquet de choses. Et un paquet de choses, toi, en même temps. Qu'un ça. Oh, je pense qu'il y a, okay, y a de l'eau et des bibittes. Un zipper qui descend. Oh. C'est un paquet de choses. La route est longue. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Numéro 11. Just wait outside your door. I'm drinking. C'était Pottery, Holding On To Something, position numéro 11, qui monte de 6 places. Et juste avant la pause, on a écouté Rouge Pompier avec un paquet de choses au numéro 11 francophone. Je vous rappelle que Rouge Pompier sera au Café Rock, le stage, le 7 décembre prochain. Décembre? Oui, ça a sonné bizarre, hein? Ouais. Le 7 décembre. Joyeux prochain. Noël, parce que, tu sais, Rouge Pompier, rouge, ils vont être en duo sûrement Rouge avec Pompier. Vert, vert d'oreille et orange orange, sûrement. Vert de sapin. Vert de sapin. Oh, que oui. Donc, on va sauter par-dessus les positions numéro 10. Du côté franco, ce serait Chinatown et La Vie Rêvée qui descendraient de 5 places. Et du côté anglophone, ce serait Band of Skulls avec Bruises qui reste à la même position. On va aller au 9e. Donc, du côté anglophone, il y aura Dry the River et New Ceremony. Et du côté francophone, ce sera Fanny Bloom avec Ce que je voudrais. Ah, oh, ça va être cute, ça. J'ai l'impression. Oui, parce que Fanny Bloom. C'est ça, quand elle chante, elle est cute. Elle est cute. Elle est cute. C'est pas mal, c'est fou. C'est cute, c'est un pas pire nom de radio, ça. C'est cute! 89 FM. Oh, c'est cute! Non? On va essayer de faire passer ça au conseil. Ouais. Puis moi, je vais essayer de faire jouer la bonne chanson. Okay. Oh, ben écoute, c'est un défi, hein? Faut le lancer. Bon, faut le... Ouais. C'est cute! C'est cute! Quand il fait des erreurs, hein? Mais ben oui! C'est attachant. C'est charmant. Ça le fait avoir l'air normal, hein? C'est d'un humain. C'est ça. Et non, une machine. On veut pas être de... Moi, je suis pas une machine. Non. Moi non plus. Ce que je voudrais n'existe pas. Ce que je voudrais n'existe pas. Laisse-moi répéter. Qu'as-tu? J'ai gravé side and couldn't close my eyes all night. I named you like a prayer. It's anybody's guess how the angel left out came down and crept into your bed. But after we danced to the shipping forecast, the words escaped your mouth. I know it's gotta stop, love, but I don't know how. Forget your shoes and the gate don't creak for want of you. The jury's out on me. We're wise beyond our years, but we're good at bad ideas, my love. Oh, so it seems to me. J'aime ça. New Ceremony de Dry the River, position numéro 9, ça monte de 3 places. Et au francophone, c'était Fanny Bloom avec Ce que je voudrais au numéro 9, ça monte de 5 places. Mm-hmm. Maintenant, va falloir un petit peu avancer plus vite là, parce que le temps file et il faut passer des affaires. C'est un petit peu une fois de temps en temps. Donc, on va faire un bloc 3 quarts. Il va y avoir plus tard Galaxy et Passion Pit, mais on va débuter en 8e position francophone. Avec Peter et Les Chemins étoilés, qui a fait une belle remontée puisque la semaine dernière, il était au numéro 19 et là, il est au numéro 8. Je suis pas bonne en maths, mais c'est pas mal un plus 11, ça, je pense. J'ai pensé, oui, en effet. J'ai pensé à un super concept, OK? Parce que je sais pas si tu as vu pour Assemblage Requis, on a fait prendre nos photos par notre photographe disons campus, oui. Pascal Proux, qu'on salue, qui est sûrement pas là, mais qu'on salue quand même. On salue bien. J'aimerais ça lui demander de faire des photos pour les paparazzi fous avec nous deux, OK? Moi, j'ai pensé, on va dehors, OK? On se trouve un tableau. Ouais. OK? Puis là, t'écris une addition ou une soustraction vraiment évidente. Toi, t'es en train d'écrire ça comme le prof, OK? Puis moi, puis je suis là, puis je compte sur mes doigts. Ce serait ça la pub, c'est comme. Tu sais, hein? Comme 2 plus 2, puis là, tu calcules. Ouais, c'est ça. Puis là, je mets comme le 1 va en haut, là, je retiens l'autre, puis là, tu sais. Ça serait drôle. Ce serait pas pire, hein? On ouais, va y penser. On va y penser. Ouais. Pour l'instant, on écoute Les Chemins étoilés de Peter Peter. Au palmarès, c'est fou. Émission qui compte ses doigts, mais qui finit par comprendre le calcul. Hein? On finit tout le temps par arriver. Bien entendre Peter Peter avec Les Chemins étoilés, une chanson tout en douceur que j'aime très beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a sauté par-dessus Hell Songs et la pièce Sin City qui montait de la 13e place. Et là, j'essaie même pas de compter. Ça fait quoi, 5 ça? 5. Ouais. Oui, c'est ça. J'avais promis un bloc 3 quarts. Je fais tout le temps ça, je regarde pas l'heure. C'est l'heure de terminer la deuxième heure. T'sais? Ben oui. Il nous en reste une troisième et dernière. Plus tard, il y aura Passion Pit. Il y aura aussi les Breastfeeders et Lisa Leblanc. Puis toi et moi. Et oui, toi et moi. C'est la cerise, ça, je pense. On est la cerise sur le gâteau du palmarès. Les gens demandent tout le temps en plus, mais ils ont plus faim. Ils ont plus faim après la cerise. T'sais. C'est pour ça qu'on est encore vivant. Ah. On les mange pas, finalement. Ça a l'air sexuel, tout ça? Ben, le, non, l'est quand tu... Oh, franchement. Je gâche tout. Ben oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. retour pas de retour. Pourquoi je fais ça des fois? On dirait que je suis comme à off, il faut une tape dans le dos pour que je recommence comme fou l'heure. C'est les palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 au 16 septembre 2012. Elle s'appelle Alexandra Carignan. Et il s'appelle Mathieu Plante. Moi, tu vois, les compagnies, tu mettons, la compagnie s'appelle Lacrosse Technologie. Hein, ouais. Parce qu'on est en train de magasiner une horloge. Ouais. Lacrosse Technologie, ça m'inspire pas confiance. Ben, en fait, le problème, c'est que la crosse, tu sais, une crosse, c'est un langage purement, c'est un québécisme. Exact. Tu sais, le cross en anglais, au pire, c'est un sport. Ou une croix. Ou une croix. Cross. Cross. Ouais. C'est comme les palmarès, c'est fou, tu sais, tu t'attends à quelque chose de débile mental, tu sais, ou quelque chose qui devrait être à l'asile, les palmarès, c'est fou, tu sais. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas ça. Mais c'est, non, c'est pas ça. C'est de la bonne musique, genre, mettons qu'on avait une phrase à monter autour de ça, on pourrait dire un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, tu sais. Oui. Ça sonne slogan un peu. Oui, ce serait un bon slogan. C'est à peu près ça depuis. Mais je l'utilise jamais, fait que. Donc, on va être rendu aux positions 7. Oui, du côté anglophone, ce sera Passion Pit avec Take a Walk. Et du côté francophone, ce sera Galaxy avec Jusqu'à la fin. Ouais. Palmarès, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Fou. Fou. Ben raide. Y en a vraiment trop en deux. En dehors, mon cœur part, mais mon corps reste. Et ma tête s'évapore. Reste avec moi, je t'en prie. Entre aujourd'hui et demain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent. Même si on se perd trop souvent, nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Numéro 7. Now I work to bring my family stateside.

6. I've seen enough parts to know where we stand. It's impossible to take it all in. Those bright city lights, they're burning your eyes. It's unreasonable to see them from Mars. You're unrecognizable. Your state of the art, your paper plans, your council in tar. You incorrigible stone, you're missing the point. You're undrivable, you're falling apart. The Well et 2010 qui montent de deux places en sixième position anglophone. Juste avant d'écouter la position 6 francophone, les Breastfeeders, ce ne sera pas un jour comme les autres. Mm-hmm. Avant ça, on a aussi eu les positions numéro 7, Passion Pit avec Take a Walk qui monte de 2. Et Galaxy avec Jusqu'à la fin qui monte de beaucoup puisqu'il est à la 20e position la semaine dernière. Félicitations, Caroline. On aurait dû dire tantôt avec Peter, les chemins étoilés, ça a monté de la 19e. Oui, on aurait dû dire. Ben, je l'ai dit en fait. Tu l'as dit? Oui, ça a monté de 11. C'est bien fait. Tu non, mais pas les calculs. Que c'est comme une étoile filante. Ah, oh, ça, ça, j'ai pas dit, par exemple. Non. J'ai manqué la philosophie de la chose. Ça aurait pas été si bon que ça, mais c'est juste pour changer nos formules des fois. Ah oui, c'est correct. Si on est redondant. Pour ce numéro 5, maintenant, du côté anglophone, on saute par-dessus The Hives avec Go Right Ahead, l'ancien numéro 2. On va aller avec Lisa Leblanc et Ling Diderot, qui a fait une montée de 5, puisqu'elle est à la position numéro 10 la semaine dernière. Oui, 5, c'est un chiffre qu'elle aime bien, parce que sa chanson dure 5 minutes, puis c'est pas mon genre de musique, ben, mais... C'est le mien. Ben oui, c'est ça. À chaque fois, on dit... On le dit, tout le monde le sait. On est... Ouais, je disais redondant tantôt, mais c'est à peu près ça, hein? C'est pas mal ça. Lisa Leblanc, enjoy! fui en mi-robe de gypsy au fin de mon garde-robe. De mes vieilles valises, sortirai ce que j'ai vécu pour les exposer sur mes murs que je pourrais appeler les miens. Je pourrais arrêter d'angoisser, voir si c'est moi le char qui laissera aller en premier. Un moment donné, je boycotterai le vieux café dépanneur, puis jugerai à mon tour ceux qui s'achètent du vin d'épicerie. Sur le bord de la rue, quand j'aurai d'autres fils avec la réalité que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. D'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. du somnol et je radote une défense creuse, condamnée et rêveuse. Le mec que behind the church, hiding. vient d'entendre Me Trick avec Yout Without Yout, numéro 4 du palmarès anglophone. Oh, puis ça arrête de même. Ça arrête de même. C'est comme... frappe un mur, ça. Oui, comme, aussi raide que ça. C'est ça. Juste avant, on a entendu du côté francophone la descente du coude des Simons contre la Reine. Ça monte de 11 places, troisième semaine de présence. On a aussi entendu Lisa Leblanc avec Ligne d'Hydro qui montait de 5. On a sauté par-dessus le numéro 5 anglo. Le numéro 5 anglo qui était The Hives avec Go Right Ahead qui a fait une petite descente puisqu'il était au numéro 2 la semaine dernière. Go Right Ahead to the bottom. D'ailleurs, mes tricks étaient notre numéro 1 de la semaine dernière. Alors, vous aurez deviné que nous en avons un nouveau du côté anglophone. C'est un événement à ne pas manquer d'ici la fin de l'émission. C'est un événement. On a un événement Facebook, confirmez votre présence. C'est ça, t'as le parti de la GEQTR et t'as aussi les numéros 1 des palmarès, c'est fou. Exactement. Ça va bien ensemble. Tout à l'heure, on aura Ariane Moffat et The Gaslight Anthem, mais avant ça, c'est la section ailleurs dans les palmarès parce que... Là, il y a des gens, la rumeur court, okay, je la rumeur entendu. Court. Les gens disent que les palmarès, c'est fou, tu sais, c'est rien qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone. T'sais? Non. Non. Non, mais là. Non, mais là. Tu me prends pour une poignée dans le dos, là? Je te prends pour une poignée dans le dos. Oui, tu me prends pour une poignée dans le dos, c'est pareil. Non, c'est pas seulement ça. Tu vois, même moi, je me mêle à cause de la rumeur. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 10 électronique. On va commencer par les nouvelles entrées du top 30 des albums. J'en vois 4. En 30e, Wax Mannequin avec No Safe Home. En 29... Il veut juste se promener sur une licorne, le gars. En 29e place, c'est White Horse avec The Fate of the World Depends On. Et là, la suite est, n'est pas connue parce que c'est marqué 3 petits points. En 18e place, Mother Mother, qu'on a entendu en début d'émission avec The Styx. Et en 2e, c'est en 16e, pardon, The Neighborhood avec I'm Sorry. Et là, il y a encore 3 petits points, mais beaucoup d'espace reste dans la case. Donc, je pense que là, c'est voulu qu'il y ait 3 petits points. Ouais, c'est comme... Il y a plein de regrets dans les 3 petits points. Chaque point est un regret, indépendant. veux-tu faire le top 3, Alex? Le top 3, 3e position, on retrouve The Gaslight Anthem avec, en fait, Anne Rider. Top 2, You Can't Blonde avec Tiger Walk. Et numéro 1, c'est Zeus avec Bursting Visions. Oui, dans le top 3 des disques canadiens maintenant. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Metric et Synthetica. En 2e, c'est You Can't Blonde qui monte de 3, 13e semaine de présence pour leur album Tiger Talk. Et en première, ça monte de 2, encore une fois, Zeus et Bursting Visions. Ils ont un bon... Ils ont une bonne moyenne. Ils ont un bon... Une moyenne. Tu sais, l'affaire moyenne. Avec... Une moyenne. Oui, ça... Terme mathématique. Ça a l'air vrai, en tout cas. T'as l'air de connaître ça, t'sais. Oui. Dans le top 10 électronique maintenant, aucune nouvelle entrée. Et là, je sais pas ce qui se passe. En fait, je sais ce qui se passe, mais on va faire comme je savais pas ce qui se passe. Le palmarès ne change pas depuis un bout de temps parce que le vestibule n'a pas lieu. C'était des rediffusions depuis les dernières semaines. Donc, je sais pas, sûrement des vacances. Top 3, donc stable. 3e, c'est Shout Out Out Out. Out. Il y en a 4. Shout out, out, out. Avec Spanish Moss and Total Loss. En 2e, c'est stable aussi. The Invisible avec Rispa. Et en première, c'est stable. Blue Foundation et In My Mind, I Am Free. Je vais te permettre. Alex. Oui, le top 10 loud avec 3 nouvelles entrées. Ian, tu me laisses le meilleur. Ian ouais. Gillan, Tony Iommi avec Who Cares. En 9e position, Skifta avec For the Beer. Et en 3e, Hey Duke avec Spellbook. Et le top 3, en fait, c'est Grimmscock avec Set Fire. Numéro 2, Royal Thunder avec CVI. Et le numéro 1, Jeepside Hawk avec Rivalry and Resilience. Je me sens méchant d'avoir laissé faire ça. C'est pas correct de ma part, je m'en veux, je m'excuse. Ça a été un beau défi, puis je pense que je l'ai relevé. Pas pire. Ouais, ouais, ouais. On va retourner au top 20 francophone et anglophone, celui que les rumeurs disent que c'est le seul. Là, genre. Ouais, les rumeurs. Ces rumeurs-là. Toute une histoire, cette affaire-là, que je vous ai monté tantôt. Wow. Troisième place anglophone, c'est The Gaslight Anthem avec 45 qui monte de 3 places. Mais tout d'abord, on va aller écouter Ariane Moffat avec La pluie et le beau temps en 3e position palmarès francophone. C'est au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Oh yeah. Oh oui. C'est bon à tout moment, sous toutes les températures. La pluie et le beau temps. Je pense que c'est proche, hein? C'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre. Du ciel jusqu'à ma tête. les effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau. J'en rêve. On ne parle. On vient d'entendre The Gaslight Anthem avec 45 au numéro 3 anglophone du palmarès. Avant ça, en franco, c'était Ariane Moffat avec La pluie et le beau temps. Ou encore La pluie et le beau temps. sur son album M.A. Non, c'est plutôt Ma. Voilà. Et ça monte de 9 places. Ma. Ma. C'est l'espace entre deux notes, quelque chose comme ça. C'est une affaire de même. Oui, c'est un truc oriental de chinois, je pense. Là. Ah oui? C'est un truc bouddhiste, peut-être. Ah, eh bien. On vient tantôt avec les positions numéro 2, Reine de France et Yukon Blonde. On va aussi découvrir qui sont nos numéro 1 parce qu'on a su plus tôt dans l'émission que les deux numéro 1 sont Baba et Chabai. Ben oui. T'sais? Comme disent les Chinois, là. Hein? Ciao. Ciao, Bella. Pas sûr qu'ils disent ça. Non. Je pense pas. Fausse information. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Il nous reste seulement le top 2, et c'est ça, on revient des fois en parlant de la pub comme ça, on fait quasiment jamais ça, mais c'est parce qu'on s'ennuie de vous autres. Ben oui, on vous aime beaucoup. On est de même, on est des lovers, hein? Infinite lover. Infinite plus one lover. OK. Je gagne, oh yeah. Un point, Mathieu. Oui, quel perdu de Reine de France tout de suite. Au 89 FM. Love, love, love, it's a beautiful thing. Thank you. On vient d'entendre You Come Blonde avec Radio, numéro 2 du top 20 anglophone de cette semaine. Juste avant Franco, on a entendu Reine de France et Weekend Perdu qui montent d'une place 6e semaine. Et leur maxi s'appelle aussi Weekend Perdu. J'espère qu'ils vont sortir un album complet parce que là, 4 pièces passées. Non, on, effectivement. On va faire le tour pas mal bientôt. Oui. Tu sais? Je pense qu'il serait bien qu'ils produisent un peu plus de musique. Ouais, de là, c'est musique. Comme Chop Chop. Hand chop clap. Chop en way. Hand clap, c'est quand tu... Quand tu fais ça? Ouais. Ok, je viens de comprendre. Fatiguant, hein? Fatiguant, hein? Faire ça tout le long de la prochaine intervention. C'est... Mais ce son me tape sur les nerfs. Ce son qui est une autre pièce. Oh! Okay. Ben, moi, je pensais que c'est pour ça que tu faisais ça. Non! Mais tu vois, oui, en fait, c'est pour ça. Maintenant que tu peux faire comme ça. Maintenant, prendre, ben oui, maintenant que... Je prends le crédit. Parce que c'est le moment, pour ceux qui n'ont pas deviné encore, pour les jeux de mots des numéros 1. Ben oui. Et t'as bien commencé, je trouve, vraiment. C'était pas du tout comme la plupart de mes jeux de mots, OK, qui sont comme très, très évidents, ou encore ce qu'on appelle dans le domaine un cliché. Un cliché. Tu sais, c'est des jeux de mots que tu vas pas, mettons, tu sais, comme prendre en photo. Non. Comme faire un cliché. Ouais. De mes jeux de mots, parce qu'ils sont tellement mauvais. C'est avec ton iPhone, BlackBerry. Alors, vous aurez compris que l'album s'appelle Cliché. Oui, et le groupe, c'est les Hand Claps. C'est la pièce Ce son qui jouera en quelques secondes. Et du côté anglophone, je te dirais que moi, tu peux en faire tant que tu veux, les jeux de mots, parce que je me sentirais pas brimé. Je me sentirais pas comme si j'allais éclater de sanglots et que mes yeux allaient couler de larmes. Bursting Visions est le nom de l'album. Ou encore, je me sentirais pas comme un... Ben évidemment, j'ai pas choisi de faire un jeu de mots avec un dieu quelconque, là. Mais Zeus, je sais pas si c'est le dieu de quoi, ça. Je suis pas connaisseur des... C'est le dieu tout-puissant, okay, de l'Olympe. Mais tout-puissant, ça commence bien. Ouais. Tout, ben, c'est, en fait, ouais, c'est le dieu principal. Okay. C'est comme le roi de l'Olympe, mais okay, il contrôle la foudre. Oh! Ouais. L'éclair et tout ça, et les chocs, là, comme mes jeux de mots qui te donnent un choc à chaque fois de surprise. De... Oui, ben, ça, c'est lui qui me pitch des... ouais. Il te pitch des « ouah ». Il me pitch des « ouah ». C'est pas pire, ça. Une bonne affaire. Moi, j'en prendrais bien des « ouah ». Des « ouah ». Ou des « ouah, ouah, ouah, ouah, ouah », comme dans du dubstep, comme la plupart de nos fonds en ce moment. « Ah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah ». Je sais pas si on traite dubstep cette année, les fonds. C'est pas que je trippe dubstep, là, mais ça donne comme ça. Ça donne ça. C'est ça. C'est bon. Une fois de temps en temps, pas trop. Juste assez. Wow, wow, wow, wow, wow. Donc, le numéro 1, vous l'aurez compris, du côté anglophone, plus tard, il y aura Zoo. C'est avec Anything You Want, d'ailleurs sur l'album Bursting Visions. Mais on débute avec le numéro 1 franco. Le numéro franco avec les Hand Clap et ce son qui monte d'une position pour gravir l'échelon jusqu'au numéro 1. Wow. Ils sont bons, hein? Réveille. Un autre groupe l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Les textes trop complexes me laissent perplexe. C'est vrai, le son suffit, mais hors contexte, le sens est à l'index. Me réveille. Une autre femme l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Ces paroles trop complexes m'ont laissé perplexe. Entre deux mots, j'ai dû choisir le moindre, j'ai mis l'autre à l'index. No, you've heard it all before, but no one does it like we do, so get on the floor. We know you've heard it all before, but we're gonna play it till you scream for more. I say whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nothing new to say, whoa, whoa. So I guess I'll dance. Yeah, banana. première position. De chaque côté, mais avant de dire les numéros 1, on fait toujours un petit récapitulatif. Donc le top 3, je vais faire le côté anglophone pour commencer. En troisième place, on trouvait 45 de Gas & Anthem. En deuxième, ça monte de 2, Radio de Yukon Blonde. Et en première, on vient d'entendre Zoo, c'est Anything You Want Dear qui monte de 2 places. Et du côté francophone, en troisième position, on retrouvait Ariane Moffat avec La pluie et le beau temps en grande remontée puisqu'elle était au numéro 12 la semaine passée. En deuxième position, c'était Reine de France avec Weekend perdu. Et le premier numéro était les Hand Clap avec ce son en monte qui ont monté d'une place pour arriver au top 1. Ça sonne étrangement comme la fin de l'émission d'aujourd'hui, ça. Ça sonne pas mal comme ça. C'est plate pas mal. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h pour notre édition des Palmarès, c'est fou. Après nous, plus tard ce soir, c'est 13e étage à 19h et la nouvelle émission électro-tactile à 21h. Écoutez ça, on repasse le vendredi à 17h. Après nous, c'est Skypunk avec Camarade B. X, je me rappelle jamais. Je pense que c'est B. Et finalement, le lundi, on est entre 14h et 17h, oui. Et après nous, c'est le boudoir avec toi. Mais oui, c'est moi. C'est là ça va être comme... une bonne dose de moi, ce lundi. Ben, c'est ce qu'on demandait. Tout le monde m'a demandé. J'ai envie d'avoir plus d'Alexandra Carignan et c'est ce qu'on leur donne. Ben oui. Ben, c'est ce qu'ils vont avoir aussi. Comme si c'était nous qui avions décidé de ramener ton émission, mais faisons comme. T'sais. Ah, ça, j'ai réussi moi-même à c'est ramener. C'est ça. C'est pas mal ta propre suggestion. En passant, juste avant nous, lundi, on était à 14h. On était supposé être à 13h, mais finalement, entre 13h et 14h, c'est Maxime Tanguay et Simon Fidibé avec l'examen final. C'est oui, bon. Une émission de critique de CD. C'est très, très bon. Soyez à l'écoute pour ça. Puis c'est ça. Bonne fin de semaine, Alexandra. Ben oui, à toi aussi, Mathieu. C'est et à tout plaisir. Le monde qui est à l'écoute en ce moment. Les palmiers. Et qui le saura. Le palmier. Ceux qui nous écoutent là et la reprise et l'autre reprise. T'sais. Ben oui, bonne tout le temps fin de semaine. On vous aime tous. On se quitte avec The Hives et la position numéro 5 anglophone qu'on a sauté tantôt. Go right ahead. Ciao. Ciao. Comme en Asie, comme ils disent en Chine. Ciao.